Chapitre 15. Londres, Paris. Fred Blake, profondément endormi, rêvait qu'il avait battu le record de vitesse Londres-New York et qu'on l'avait surnommé le Lindbergh anglais. Une main impatiente, qui le secouait sans douceur, le tira de ce songe agréable. « Lève-toi, Fred, mon vieux, pour l'amour de Dieu, réveille-toi » « Quoi ? Qu'y a-t-il ? » bredouilla Fred d'une voix empâtée en écarquillant les yeux. « Fred Blake, un jour, tu m'as dit, quand tu auras besoin de moi, appelle-moi, je serai là. Le moment est venu, je t'appelle. » Fred Blake, tout à fait réveillé, rejeta la couverture et sauta pieds nus à bas du lit. « Jim Joy, je suis là. Peux-tu battre un record de vitesse ? » Je viens justement de le rêver. Il ne s'agit pas de rêve, il s'agit de le réaliser. Il est 12h05, à 11h50, est parti de Croydon pour Paris, le Golden Ray de l'Air Union. As-tu toujours ton avion à Hanwell ? Oui. Est-il en ordre de marche ? Prêt à starter. Papier en règle ? Parfaitement. Peux-tu, en partant tout de suite, arriver au Bourget avant le Golden Ray ? Tu verras ce que c'est que le Lindbergh anglais. 10 minutes plus tard, les deux jeunes gens roulaient vers Hanwell, où, parmi les autres garages d'avions privés, se trouvait celui de Fred Blake. « Tu vois, déclara Jim Joy, en terminant son bref récit, que depuis le soir où Phineas Wentworth m'a proposé de le suivre au Ritz, il s'est passé pas mal de choses. Je ne suis pas certain, je l'admets, de suivre la bonne piste. » Je ne me base que sur les deux phrases échangées hier par les bandits dans le bar des Trois Sorcières. À Croydon, à 11h50. Ça peut vouloir dire toute autre chose, mais ça peut vouloir dire aussi que les oiseaux s'envoleront par l'avion de Croydon à 11h50. Cette idée m'est venue il n'y a qu'un instant, quand j'ai quitté Jonathan, et il était trop tard pour aller les cueillir à Croydon. J'ai téléphoné au bureau de l'Air Union et j'ai appris que l'avion partant à 11h50 allait à Paris. Si tu arrives au Bourget avant le Golden Ray, nous prendrons nos dispositions pour les filer. S'ils s'y trouvent, je les reconnaîtrai sous n'importe quel déguisement. Fie-toi à moi, mon vieux. » Les mouvements de Blake étaient sûrs, précis et rapides. Jim, enfonçant le bonnet de cuir sur ses oreilles, prit la place de passager. L'oiseau d'acier se détacha légèrement du sol et prit son vol. Mais, en planant au-dessus de Londres, Jim ne planait pas au-dessus de lui-même. Ses pensées restaient rivées à May et à Maya. À 1000 mètres d'altitude, il les aimait autant que dans le caveau de Zerga. « Ne vous laissez pas prendre dans les filets d'une aventurière, » avait dit l'une. « Sauvez-moi, j'ai confiance en vous, » avait dit l'autre. Les nuages passaient et s'évaporaient dans le ciel printanier, et les deux visages, peu à peu, se fondaient en un seul. Le moteur vrombissait sourdement, et la bouche ingénue et triste murmurait « Ne suivez une femme que si vous êtes sûr d'elle. Emmenez-moi. » Fred pilotait avec une maîtrise étonnante. La manche scintillait au-dessous d'eux. De temps en temps, Jim regardait la montre. 13h, 14h, 14h30. Le Golden Ray était parti à 11h50, le toujours près de Fred Blake à 12h38. Le Golden Ray arriverait à Paris à 15h50. Et le toujours près. 14h45, 15h, 15h05. 15h10. L'avion s'abaissa rapidement et suivit une ligne horizontale à travers les airs, volant beaucoup plus bas qu'auparavant. La silhouette pointue de la tour Eiffel apparut. Le cœur de Jim rompait presque la paroi de sa poitrine. 15h25. Le toujours prêt atterrit au Bourget. Un quart d'heure après, les jeunes gens se promenaient de long en large sur l'aérodrome, attendant l'arrivée du Golden Ray. Fred s'était débarrassé de sa tenue de pilote. Jim, en revanche, l'avait endossée. Une paire de lunettes cachait ses yeux. Dans cette tenue, dit-il, si naturelle sur l'aérodrome, personne ne fera attention à moi. Toi, Dieu merci, on ne te connaît pas. Dès que je les aurai repérés, je te ferai signe et tu les fileras immédiatement. Le taxi est retenu. Il sait qu'il aura à suivre la voiture que tu lui indiqueras s'ils en prennent une et que ça lui vaudra un chic pourboire. Moi, je t'attendrai à l'hôtel Oxford et Cambridge, rue Saint-Honoré. Si tu ne peux pas entrer, fais-moi parvenir un message. » Une foule assez considérable se pressait autour de l'avion de l'Air Union. On attendait évidemment l'arrivée d'un personnage. Mais, sûr que ce n'était pas un des siens, Jim n'y prêtait pas attention. Les nerfs tendus, l'attention concentrée, chaque fibre en éveil, il scrutait les passagers descendus du Golden Ray. Une jeune femme voilée, en costume de voyage, s'appuyait sur le bras d'une forte personne d'âge moyen, dont la tenue accusait une domestique. Une vieille dame respectable, au bras d'un digne gentleman âgé, aux cheveux blancs, aux allures distinguées, les suivait de près. Une seconde, le vieux gentleman leva les yeux. Jim retint son souffle. Il avait reconnu le regard perçant de Zerga. Les yeux magnétiques de l'oriental étaient inoubliables. Il n'avait plus de barbe, et pour cause. Jim en frémit de satisfaction. Mais dans ce visage rasé, les yeux noirs demeuraient les mêmes. Zerga, ne se doutant pas qu'on avait pu le dépister à Croydon, avait omis de mettre des lunettes. Jim saisit Fred par le bras. « Celui-là, souffla-t-il, le vieux aux yeux noirs, c'est le mage. » La jeune femme voilée est Maya. Je reconnais maintenant sa démarche. Les deux autres doivent être des complices. Right, oh !» Souple, souriant, balançant gaiement sa petite valise, nullement fatigué par son record, Fred Blake s'achemina vers la sortie, ne perdant pas de vue une seule seconde Zerga et ses compagnons. Non loin de la file des taxis, devant une hispano bleue, se tenait un groupe sélect et animé. La foule, maintenue à distance par les agents, le contemplait avec une curiosité respectueuse. Fred crut entendre qu'on avait accueilli un ministre ou un ambassadeur étranger. Parvenu au niveau de la petite troupe devant l'hispano, la jeune femme voilée, objet principal de l'attention de Blake, s'arrêta tout à coup. Dégageant subitement son bras que tenait la femme de chambre, elle étendit la main, désignant une jeune fille élégante qui faisait partie du groupe et s'exclama « Maud Peele ?» La jeune fille se retourna et avec un cri de surprise fit quelques pas vers Maya. Mais celle-ci, avec une rapidité telle que Fred eut peine à les suivre, fut entraînée irrésistiblement par ses compagnons. Une minute plus tard, ils quittaient précipitamment Le Bourget dans un taxi et Fred roulait à leur suite.